depuis 1975. Saigon sur scène, tu connais bien. Le Vietnam, c'est trop loin. À peine tu t'en souviens. Tu fais des rêves parisiens. Saigon sur scène, jour après jour. Saigon. Maintenant t'habites en haut d'une tour. En bas, rue Baudricourt. Quelques histoires d'amour. Gauloise aux yeux velours. Au fond, ce blanc. T'avais pas l'air comme ça hier soir au resto. Faut dire que tu les aimes trop. Tous les petits viettes de la Mayo. Paris, les jeux sont faits, avenue d'Ivry. La fille à tes côtés, elle aussi, elle aime jouer. Elle change de fiancée. Au fond. T'avais pas l'air comme ça hier soir au resto. Faut dire que tu les aimes trop. Tous les petits viettes de la Royo. Depuis 1975, Saigon sur scène, tu connais bien. Depuis 1975, Saigon sur scène, tu connais bien. Depuis 1975. Depuis 1975. Depuis 1975. Saigon sur scène, tu connais bien.